Jean Bosco, Douiman. Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Un jeune garçon de 15 ans de la famille de Batois est mort ce lundi dans des circonstances non encore élucidées sur la colline Kayangé de la commune Moussigati en Provence et Bubanza. Ces Batois ont juré de se venger. Correspondance d'Hospice Caritas Kawanyana dès le début de ce journal. Et la loi communale exigeant la décentralisation de la gestion des communes de la mairie de Bujumbura tarde à être mise en application et cela maintient ces entités administratives dans la dépendance financière vis-à-vis de la mairie. Vous l'entendrez. Et à la une de l'actualité internationale, les Américains élisent leur 45e président au terme d'une campagne dure entre Hillary Clinton et Donald Trump. À la fin de ce journal, dans la chronique santé, Dr Angélique Niokindi nous donnera des éclairages sur les crampes nocturnes. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, un jeune garçon de 15 ans de la famille des Batois est mort ce lundi dans des circonstances non encore élucidées sur la colline Kayangé de la commune Moussigati en Provence Bubanza. Les uns disent qu'il se serait suicidé, d'autres indiquent qu'il aurait plutôt été tué et pendu par après sur une corde. Les Batois de cette colline se sont révoltés ce mardi disant qu'ils devaient se venger. Spes Caritas Kawanyana. Des échauffourées ont surgi ce mardi matin sur la colline Kayangé de la commune Moussigati. Les familles des Batois se sont révoltées, disant qu'ils devaient se venger après la mort d'un jeune garçon de 15 ans décédé ce lundi dans des circonstances non encore élucidées. Les uns disent qu'il s'est suicidé, mais la majorité de la population de la même colline indique plutôt qu'il aurait été tué et pendu par après sur une corde. Nyandru Isaac, qui était qualifié de voleur dans la localité, avait fui il y a quelques jours, comme lundi, que les sources sur place à Kayangé. Il est réapparu ce dimanche et un voisin à qui on a volé un téléphone et qui avait suspecté ce jeune homme est allé le voir et il est le grand suspect de ce crime selon des sources administratives. Pour calmer la situation, les autorités administratives et les forces de l'ordre ont vite fait des enquêtes préliminaires ce mardi et trois suspects, dont celui à qui on a volé le téléphone, ont été arrêtés et directement conduits au cachot de police judiciaire pour enquête. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Ces deux enseignants de l'école de Ruhuma et un policier en activité dans la commune de Nyabikele en province Karoussi sont au cachot du commissariat de police de Karoussi depuis 5 jours. Leurs familles et collègues de service disent ne pas être au courant du motif de leur emprisonnement. Ceci explique que ces trois hommes ont été appréhendés pendant qu'ils s'apprêtaient à aller dans les festivités d'accueillir avec leurs écoliers le président de la République qui visitait cette commune de Nyabikele ce même jour de jeudi. Au niveau de la police, on indique que ces personnes ont été arrêtées le matin de ce jeudi pour des raisons d'enquête, les enquêtes que la police indique en train de mener. Près de 2 ans après la promulgation de la loi communale ordonnant la décentralisation des communes de la mairie de Bujumbura, la mairie continue à percevoir les fonds qui devraient revenir aux communes, en l'occurrence les frais de stationnement sur les parkings payants qui seront bientôt perçus. Selon la même loi, la mairie devrait fonctionner à base des contributions des communes s'élevant à 10% des fonds perçus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alain Désiré Boukayeneza revient sur le contenu de la loi communale. À travers la loi du 28 novembre 2014 portant organisation de l'administration communale, la mairie de Bujumbura compte 3 communes, à savoir les communes Muha, Mukaza et Nahangwa. Par la présente, les services liés à l'état civil, la délivrance de la carte nationale d'identité, les visas requis à tout acte de la vie civile, la planification du développement communal, la gestion de l'environnement, la perception et la comptabilité des recettes, l'élaboration du budget communal, l'établissement des ressources communales et l'ordonnancement des dépenses communales ont été transférées de la mairie de Bujumbura aux communes urbaines. C'est pour cette raison que la commune urbaine se dote de structures spécifiques lui permettant de répondre aux besoins essentiels d'entités urbaines dans le cadre de la décentralisation, notamment le transfert du personnel de la mairie de Bujumbura aux communes ainsi que la gestion des ressources humaines et financières. Cependant, les services de la mairie de Bujumbura, qui dépendent du cabinet du maire, s'occupent de la coordination des activités des communes, en l'occurrence place le traitement des eaux usées, l'enlèvement des immondices et des déchets solides, l'entretien de la voirie et la gestion urbaine, le plan de la circulation et de sécurité, l'éclairage public, l'exploitation et la maintenance des engins. Comme le poursuit cette loi communale, les communes urbaines procèdent au recouvrement des recettes fiscales et non fiscales, des recettes rémunératoires et les droits d'occupation. La gestion des recettes par les communes est autonome, quitte à verser chacune 10% du produit total de ces recettes au fonctionnement de la mairie de Bujumbura. Malgré ces dispositions de la loi communale, la mairie de Bujumbura continue à percevoir les recettes qui devraient être perçues par les communes, recettes sur lesquelles vont s'ajouter le paiement des droits de stationnement. Ce paiement se fera par versement bancaire au compte ouvert au nom de la mairie pour cet effet, comme cela ressort de la décision du 27 octobre cette année portant réglementation du stationnement en mairie de Bujumbura. Pour rester dans ce registre, la mesure du maire de la ville de Bujumbura de parking payant va peser sur les conducteurs des engins qui assurent le transport en mairie de Bujumbura, les taxis-vélos y compris. Cette crainte est exprimée par le président de l'Observatoire de lutte contre les mauvaisations économiques, Colicom, qui indique que ces dernières catégories de gens ne seront pas capables de payer l'argent qui lui sera demandé. Suivez plutôt Gabriel Rofsiri. Les taxis véros, ce sont déjà pauvres, vous le savez. Selon les enquêtes qu'on a menées, ils touchent entre 1000 francs et tout au plus de 1000. Avant, ils touchaient 5000 par jour, mais actuellement, c'est très difficile suite à la crise économique et aux mesures qui ont été prises par la mairie pour des réseaux de sécurité. Il y a donc d'abord les 2000 francs qu'ils vont donner à la mairie. Il y a les 13 000 francs pour un juré qui coûte normalement entre 3 000 et 5 000. Vous comprendrez qu'il y a 8 000 qui vont directement dans les poches des individus non identifiés. Il y a aussi 100 francs par jour qui est demandé par l'association. Il y a aussi 1500 qu'on leur demande communément appelé taxe de sécurité au niveau des communes. Donc, pour nous, nous voyons que c'est une façon de leur dire abandonner votre métier. Dans la suite de ce journal également, Gabriel Rouftiri demande au maire de la ville de Bujumbura de suspendre provisoirement cette mesure de parking payant afin qu'elle soit minutieusement étudiée pour qu'elle soit appliquée à l'échelle nationale. C'est une décision qui touche d'abord presque tous les Burundais. S'il y a une décision qui touche les transporteurs, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent être touchés par cette mesure, c'est pour cette raison que l'ORICOM a qualifié cette mesure de portée générale. De portée générale parce que tous les bus qui montent à l'intérieur du pays, tous les bus qui travaillent dans les communes de la municipalité vont revoir à la hausse le prix du ticket et vous comprendrez qu'à ce niveau, c'est tous les citoyens, en tout cas en grande partie, qui vont être touchés. Donc, une décision de portée générale comme celle-ci devrait normalement suivre des procédures. Si l'ordonnance est de portée générale, l'ordonnance doit passer au Conseil des ministres. Encore moins donc une décision du maire de la ville qui concerne tous les citoyens. Gabriel Rufiri a été joint au téléphone par Évariste Nziko Banyanga. Il est 13h06 à Bujumbura. Il s'observe un phénomène de mendicité pratiqué en majorité par des femmes au chef-lieu de la province Kirundo. La cause principale étant la famine qui prévaut dans leur famille, explique-t-elle. Demandant une assistance, le conseiller principal du gouvernement de Kirundo, même s'il ne donne pas de chiffres, indique qu'il est difficile de parier à ce phénomène devenu presque cyclique à l'annonce de la disette dans cette province. Placide Niyomwongere. Il s'agit des mendiantes du chef-lieu de la province Kirundo et n'ont pas de place respective et le temps de les mains aux passants. Anastasie Miburo, une veuve de trois enfants, explique qu'elle se lance dans la mendicité pour avoir de quoi manger. Une petite partie que j'ai cultivée reste là. Nous passons la nuit blanche et je suis également malade des intestins et mon enfant retourne à l'école sans toutefois manger. Devant ses enfants, souvent je pleure. Avec la faim, la nuit blanche et mon enfant qui va à l'école sans manger, voilà ce qui me pousse à aller mendier. Cette vieille dit qu'elle n'a pas d'autre choix car souvent elle passe la nuit blanche chez elle. Voilà ma vie. J'essaie de m'endormir sans succès. À l'impossible, je ne fais que me courber sur le lit. À cause de la famine et au sommeil profond, mes yeux rougissent. Celle-ci, en cours de route vers le centre-ville Kirundo pour la mendicité, elle indique que souvent, elle rentre même bredouille. Je me rendais à Kirundo pour tendre la main à ceux qui peuvent me donner de l'argent pour la patate douce ou une pâte. Souvent, ils ne me donnent pas ou un peut me donner 100 francs et l'autre comme ça. Si je totalise 500, j'achète la patate douce. S'ils ne me donnent pas, je rentre mes bredouilles. Avec le peu d'argent collecté, ces femmes indiquent qu'elles n'ont le pouvoir d'acheter que des légumes, ce qui les provoque des troubles abdominaux. Tu vois que ma figure gonfle parce que je ne mange que des légumes. Ça me provoque des troubles au niveau du ventre et il m'est difficile de m'atténuer. Gérard Ngabonziza, le conseiller principal du gouverneur de Kirundo, explique qu'ils avaient tenté de les remettre à leur famille. Après quelques jours, elles regagnent la rue, ce qui brouille leurs effectifs. Nous avons appelé les administrateurs pour que chaque commune vienne récupérer les leurs. Nous sommes en train de s'asseoir ensemble pour voir comment nous pouvons parer en pensant à des activités qui peuvent les rassembler chez eux afin qu'ils ne retournent pas dans ce constat mais de mendicité. Le conseiller principal du gouverneur précise que même si les projets à monter pour ce collège ne sont pas encore disponibles contre Vaz et Marais, la province compte les faire retourner dans leurs familles respectives. La radio de l'avenir. 13h09 minutes à Bujumbura. Un homme du nom de Chiza Buchumi, habitant le quartier Nyabitsindu de la commune Gitega, a succombé à une hémorragie interne qu'il a subie au niveau de la tête. Cette hémorragie a été due au coup de gourdin qu'il a eu sur la tête de la part des personnes qui l'attendaient tout près d'un buisson. L'officier de police judiciaire a déjà commencé l'enquête pour savoir les mobiles de ce crime. Et trois hommes de Routemé, en commune Bugarama, en province Rumonge, sont dans les mains de la police de Bugarama. Depuis 16h de ce lundi, des sources policières indiquent que la police les soupçonne d'avoir téléguidé l'assassinat de trois personnes dans un cabaret de cette même colline. C'était le 10 octobre dernier. À la question de savoir si ces enquêtes n'auraient pas connu un retard, la police répond que ces enquêtes peuvent à tout moment commencer quand une nouvelle donnée lui parviendra. Les sources proches de la police de Bururi indiquent que deux parmi les auteurs de cette attaque de Routemé ont été tués à Mugamba et un autre a été capturé. Radio Isanganiro Chronique. Je vous l'avais dit dans la chronique santé ce mardi, nous parlons des crampes nocturnes qui sont des troubles musculaires qui se manifestent par des contractions involontaires plus ou moins douloureuses. Elles surviennent le plus souvent la nuit, comme l'indique la rhumatologue Angélique Nyokindi. Les muscles sont souvent plus touchés. Les muscles souvent plus touchés sont ceux des membres inférieurs. Pas de remède miracle pour ces crampes, car elles peuvent disparaître d'elles-mêmes assez rapidement. Francine Ndiokougaï. La crampe musculaire est une contraction soudaine et douloureuse, survenant surtout pendant la nuit. Elle dure entre 30 secondes et 2 minutes et touche fréquemment les muscles de la jambe, d'après la rhumatologue Angélique Nyokindi. C'est une contraction musculaire involontaire, spontanée et soutenue, très douloureuse, qui intéresse un ou plusieurs muscles. Le plus souvent, c'est le muscle du mollet, mais sans exclure les autres muscles. Qui survient surtout au cours d'un effort physique, après cet effort physique ou pendant la nuit. Et cette contraction, ça va durer de 30 secondes jusqu'à 2 minutes au plus et ça va s'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de symptômes de cette maladie, mais il y a souvent une sensation initiale d'un avertissement chez un sujet qui a une menace d'une crampe. Pas également de cause très évidente, selon toujours les rhumatologues qui toutefois nous parlent des circonstances de survenue de cette maladie. Là, on peut citer des médicaments On peut citer les diurétiques qui sont utilisés abusivement, surtout chez les sujets obèses qui veulent perdre du poids. Les statines et d'autres médicaments encore, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens qui sont prises d'une façon inadaptée. Il y a la déshydratation avec perte d'ions et la perte des liquides. En cas d'exercice physique, musculaire, sans entraînement adéquat. Il y a les maladies neurologiques qui sont responsables de ces crampes, notamment ce qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique. Il y a le diabète, les maladies des vaisseaux, surtout sur les membres inférieurs. Et les dysthyroïdies, les gens qui ont des anomalies au niveau de la thyroïde. Il y a d'autres pathologies, même la grossesse, ça peut être responsable des crampes. Là, c'est dans le cadre de la compression. En cas d'utilisation abusive des aliments qu'on prend, notamment le thé et le café, ça peut causer la présence de ces crampes. Mais ces douleurs liées à une crampe nocturne peuvent être soulagées par des étirements des muscles atteints accompagnés de massages sur la zone endolorie. Il y a aussi moyen de prévenir ces crampes, selon la rhumatologue Angélique Niokindi. On a parlé des activités sportives intenses et sans entraînement. Si vous savez que vous avez un championnat, il faut bien vous entraîner à longueur. Il faut bien prendre l'alimentation qui est riche en oligo-éléments, comme on a dit, en cas de déshydratation avec perte de sodium, de calcium, de potassium. On a vu qu'il y a l'alcool qui est responsable de pas mal de crampes nocturnes. Là, on peut les éviter. Il y a ces maladies qu'on a dit, il faut qu'ils soient suivis et qu'ils soient contrôlés. Ces contractions des muscles peuvent parfois avoir des complications. Il y a le muscle qui travaille en synergie avec les vaisseaux sanguins et avec les nerfs, et bien sûr avec tout le corps. Mais si on parle du territoire, dans ce territoire, il y a les muscles, il y a les vaisseaux sanguins, il y a les nerfs. Si ce muscle a mal, ça veut dire qu'il y a ces vaisseaux et ces nerfs qui seront entravés. Et s'il y a atteinte des nerfs, il y a neuropathie. S'il y a neuropathie, ce sont les gens qui vont sentir les brûlures tout le temps. Et si vous touchez, il y a une hyperesthésie et ces brûlures ou ces fourmillements, ça veut dire qu'il y a une atteinte des nerfs. Et là, si les nerfs sont atteints, vous sentez que ça va aller jusqu'au cerveau. Et là, c'est très gênant, c'est très douloureux, ça peut même aller jusqu'à la paralysie. Et s'il y a les vaisseaux qui sont atteints, là aussi, vous sentez qu'il y a les artériopathies, surtout l'atteinte des artères. En cas d'artériopathie, on sait que c'est un apanage des cardiologues là. Ça veut dire que le sang ne va pas circuler comme avant. Il y a des parties qui seront même amputées. S'il y a le vaisseau qui ne laisse pas passer le sang, vous savez que c'est le sang qui contient les éléments nutritifs de tout notre organisme. Et si la partie n'a pas de quoi se nourrir, c'est la gangrène et on pourra même aller jusqu'à couper le membre. Lorsque ces crampes deviennent répétitives, la rhumatologue appelle le sujet à consulter un médecin car elles peuvent être la manifestation de différentes maladies. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, les électeurs américains se rendent aux urnes ce mardi pour désigner le 45e président du pays au terme d'une campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump. Au Mali, des hommes armés ont attaqué ce lundi la gendarmerie, puis la prison où ils ont fait sortir des détenus. C'était dans la localité de Banamba et en République démocratique du Congo. Deux journalistes de la radio-télévision Manika de Kolwezi ont été arrêtés ce lundi après avoir diffusé une interview d'un opposant. Christella Nizigama. Aux États-Unis, à moins de quelques heures de l'ouverture officielle des bureaux de vote, Hillary Clinton et Donald Trump ont achevé une très longue campagne électorale. Des milliers de kilomètres parcourus, des dizaines de millions de dollars dépensés et des centaines d'heures de discours prononcés. Désormais, les 225 millions d'électeurs doivent faire leur choix. Comme on le lit sur le site de la RFI Afrique, un sondage Economist YouGov donnait 4 points d'avance à la candidate démocrate avec 45% des intentions de vote, tandis que le projet Reuters accordait 303 grands électeurs probablement à Hillary Clinton et 235 à Donald Trump. La moyenne des sondages réalisés par le site Real Clear Politics donnait 3 points d'avance à la candidate démocrate à 47,2% contre 44,2%. Dans le système électoral américain, le président n'est pas élu au suffrage universel direct, mais par un collège électoral de 538 grands électeurs désignés État par État. Pour accéder à la Maison Blanche et succéder à Barack Obama, il faudra réunir 270 au moins. Au Mali, les assaillants se sont scindés en deux groupes. Le premier groupe s'est dirigé vers la prison pour attaquer et quelques dizaines de prisonniers ont été libérés. Un autre groupe s'en est pris à la gendarmerie, dont les locaux ont été saccagés et deux véhicules emportés. D'autres assaillants ont attaqué une banque et un coffre-fort aurait été forcé. La banque a été saccagée et incendiée, mais les assaillants n'ont pas réussi à enforcer le coffre. Le dispositif sécuritaire malien a été défaillant, ce qui explique le coup de colère du président malien lors d'une réunion de crise. Des sanctions pourraient rapidement tomber. Et enfin, en République démocratique du Congo, deux journalistes ont été attaqués pour diffusion de l'interview d'un opposant. Le directeur général de la radio-télévision Manika Dokolwezi, Gaston Mouchid et le directeur de programme Carton Kassong ont été arrêtés pour avoir diffusé l'interview téléphonique de Moïse Katumbi, opposant au président congolais Joseph Kabila. Selon l'ONG de défense de la presse journaliste en danger, le directeur de la radio-télévision Manika Dokolwezi, Gaston Mouchid et le directeur de programme Carton Kassong ont été arrêtés pour avoir diffusé l'interview téléphonique de Moïse Katumbi, opposant au président congolais Joseph Kabila, selon l'ONG de défense de la presse journaliste en danger, JED. Cette interview a été diffusée dimanche par la radio Manika, quelques heures avant la retransmission de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, remportée par le tout-puissant Mazembe, dont Moïse Katumbi est le propriétaire. Christelle Nizigama, dans l'actualité internationale, et c'est par là que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eric Ouimana, à la technique au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.